Chapitre 32e. La nuit était toute noire lorsque Dornoff arriva à l'auberge de Pargolovo. Il descendit à cet endroit et ordonna à son cocher de retourner en ville au pas, mais sans laisser souffler les chevaux. Le cocher, qui n'était jamais venu là, car Dornoff prenait toujours des voitures de louage pour accomplir ce pèlerinage, obéit sans faire de réflexion, et au bout d'un instant, l'équipage disparut au tournant de la route. Le président prit alors le chemin du cimetière. C'était une froide nuit de novembre. La neige n'était pas encore tombée assez pour établir le traînage, mais de larges traînées de poussière neigeuse s'étendaient au loin, dans les rabbins, dans les sillons, comme les plis d'un suaire sur la terre noire. Le croissant de la lune, à son déclin, donnait à peine assez de lumière pour qu'on pût distinguer la route. Au village, tout dormait sous le toit des cabanes, où dans chacune brillait la lampe des images. Ces faibles clartés de veilleuses semblaient des cierges placés auprès d'un mort. Dornoff en fit la réflexion, puis prit à grands pas le chemin du cimetière. La bise soufflait dans les branchages et soulevait de terre des poignées de neige fine qu'elle lançait au visage du président. Ce cimetière désolé n'avait ni fleurs ni couronne à ses croix solitaires. Seule la tombe d'Antonine, très reconnaissable de loin à cause de son élévation, était couverte de couronnes en métal argenté. C'était un soin de Dornoff. Il avait voulu que même à l'époque où les fleurs ne peuvent vivre dehors, quelque chose indiquât qu'Antonine n'était point délaissée. Il montait la colline sans s'apercevoir du froid âpre qui glaçait sur lui ses vêtements. « je viens, » murmura-t-il. En ce moment, il ne pensait plus à Marianne. Il l'avait bien oubliée. Il refaisait ce douloureux chemin de croix qu'il avait parcouru 10 ans auparavant avec la même intensité de souffrance, le même désespoir, que lorsqu'il trébuchait dans le sentier escarpé, en portant la tête du cercueil d'Antonine. Arrivé au tombeau, il s'appuya à la croix, tout hors d'haleine d'avoir monté si vite. Tout était calme, noir, lugubre. La lune allait disparaître derrière les bois de l'autre côté du lac. Il posa ses lèvres sur la croix glacée. « Je suis venu, » dit-il, « parce que toi seul est la paix, toi seul est le salut. Console-moi, chère âme envolée. » « Prends-moi dans tes bras, comme un enfant malade. J'ai mal, mon cœur souffre, je suis là. » Il s'assit sur la pierre, embrassant la croix de son bras gauche et appuyant sa tête sur le fer glacial. Peu à peu, ses yeux se fermèrent. Son corps, fatigué par la lutte de son esprit, ploya sous le faîte d'une langueur délicieuse. Le froid l'envahissait avec un irrésistible besoin de sommeil. « Console-moi, » murmura-t-il, « calme-moi. J'ai besoin de repos et de paix. » Il ne cherchait qu'un peu de sommeil et de repos. Il s'endormit bientôt sans conserver même la force de lutter. Peu à peu, une vision sembla monter du lac glacé. Antonine, vêtue de blanc, s'envolait doucement vers le ciel et les plis traînants de son suaire, parure de vierge et d'épousée, enveloppaient Dornoff endormi. Il montait après elle, sans secousse et sans douleur. Ce n'était pas une voix mortelle qui peut dire où s'acheva son rêve. Au matin, on le trouva mort, appuyé à la croix qu'il tenait toujours entourée de son bras roidi. M. Merouf a pris les enfants chez lui. La lettre que son gendre lui avait laissée parlait d'un voyage lointain, dont la durée devait être illimitée. Ce voyage peut être conduit Dornoff en Amérique, si la mort n'eût mis fin à toutes ses hésitations. Quoi qu'il en soit, c'est le grand-père qui élève ses petits-enfants. La Niagna ensevelit de ses propres mains le corps de Dornoff, comme elle avait enseveli celui d'Antonine, et dans son âme, elle bénit le Seigneur Clément qui les a réunis. Elle est bien vieille, mais vigoureuse encore, et dans la paisible maison de M. Merouf, elle veille, soir et matin, aux prières de la petite fille et du petit garçon qui n'oublie jamais papa et ma tante Antonine qui sont au ciel, car la vie est bonne et sûre que Dieu les a reçus dans sa miséricorde. Ainsi s'achève la Niagna par Henri Gréville.